cuarto bloque para cerrar esta noche de rap, esta noche de rap escultura por el 98.7. Y como siempre estamos de 20 a 22 entre el viejito del cinte y Kingston Club, así que entre la música psicodélica y el reggae está el rap ahí para animarte, para ir preparándote para la noche, para tu Saturday Night nuevamente en tu mente, invadiendo diferentemente de esta forma de repente. Ahora vamos a presentar para este último bloque rap de Francia, de la ciudad de París, la banda Fisto. Perdonen la elocuencia con el francés. Spirits Libres Fit Mash. Ah, había en inglés también. Sería como Espíritus Libres, participa Mash. Y Encore Tus. Qué bueno, el que sabe, sabe. Que avise qué significa. Así que una banda nueva, tiene mucha onda, mucho swing. Me lo presentó el copiloto de MP. Y ahí va a sonar para ustedes, siguiendo esta noche de RAP, Rap Escultura 98.7. MP3 en main, j'file sans but précis, libre de fuir autant d'inertie. Freeway dans le casque et ses phases de fou. Okay. On ne blague pas sur des samples de soul, alors respecte ceux qui me donnent du rêve. Si ce sont les stones, ben moi je demande une trêve. Libre à eux de vivre à 200 à l'heure. J'ai choisi mon camp, je ne suis pas des leurs. Je n'ai pas choisi entre flics, bandits, ni même dealer coke. Au pays des dandys, free world. Les GI s'y engagent, l'amour est porté, disparu. Mais les PI s'en chargent, alors que dire, que faire? Mais qu'en penser, les taux se resserrent. Je reste là, chanter, crie ma hargne. C'est nos tripes que nous sortons. Peu d'espoir et le blues des champs de coton. Besoin d'espace comme un piano. On free jazz à la plage et la rage d'un lion cage qui rêve. Évasion, ça m'excite, mais je reste là. Faudra bien qu'on m'explique. Je recherche l'exit dans cette vaste prison. Mais ces quatre cloisons me séparent de l'horizon. Un vol d'air pur et des peines perdues. Je veux vivre, vivre. Et si on arrêtait de dire que demain sera pire, puisqu'on veut juste être libre. Un vol d'air pur et des peines perdues. Je veux vivre, vivre. Et si on arrêtait de dire que demain sera pire, puisqu'on veut juste être libre. J'ai été de ceux qui se créent leur propre chaîne, aliénés par l'ego, l'argent et les objets. Si j'observe cette vie, tout ça semble obscène. Je sais qu'on n'emporte rien de ça le jour des obsèques. J'essaie de capter le fil. Un changement de cap souvent provoqué par un battement de cils. Si ce pays nous prétend libre, égo, au bout du compte, on y trouve la fraternité. Seulement les soirs de coupe du monde. Donc monte les basses, augmente le volume. J'suis libre quand j'rappe, jusqu'au bout du mic et de ma plume. J'assume mes choix et tout ce que j'ai été. Ma part d'ombre cache et ma fragilité. J'ai des pensées en intraveineuse jusqu'à ce que mon âme s'épanouisse. Ces entraves faites me nuisent. J'veux être libre, loin des archétypes. Trouver mon chemin de traverse entre un dans le grand des marketing. C'est dingue comme on se laisse déborder par le stress. On crée nos limites qui demeurent abstraites. Mec, c'est dingue. Tu flippes et on se crête. Tu veux être libre de foutre les voiles si le vent se lève. Je reste sur mes gardes car si rien ne demeure acquis, j'ai toujours un cesse de secours au fond des poches de mon baggy. Dans ce grand livre, entre les lignes, il fallait lire. Vas-y, viens, je te montre, on se tire. La voie est libre. Marche, fisto, la voie est libre. Yeah. folle verdure et des peines perdues. Je veux vivre, vivre. Et si on arrêtait de dire que demain sera pire, puisqu'on veut juste être libre. Un vol d'air pur et des peines perdues. Je veux vivre, vivre. Et si on arrêtait de dire que demain sera pire, et si on rêve d'être libre. Je compte les pages de mon cheer, un cheer, yeah. Je compte les pages de mon cheer, un cheer, yeah. Je compte les, cheer, un cheer, yeah. Je compte les, cheer, yeah. Cheer, un cheer, cheer, yeah. Je compte les pages de mon recueil et mon orgueil sick. Je compte les pages de mon recueil, cheer, yeah. Je compte les pages de mon recueil et mon orgueil sick. Je compte les pages de mon cheer, yeah. Je compte les pages de mon recueil et mon orgueil s'écaille. C'est les séquelles d'une vie échouée aux mêmes écueils. Fais-moi la courte que je cueille ce que la nature m'offre. Habitué à l'échec, trop de fois immature, je m'en un détail, cloué sur ce pêle-mêle. Je passe à côté des gens, cherchant bonheur sur email. C'est étrange cette suite d'événements. Je t'ai fait rapports humains, moi qui étais feignant dans le genre. On gère du mieux qu'on peut, éloigne les rancunes. L'écume des jours nous rattrape et nous frappe comme une enclume. On court tous, avec ou sans nos œillères. On court tous, mais on garde tous nos muselières. L'air du temps nous déteint dessus. Je vais pas te faire dessin de sexe. Sous les pavés, y a toujours pas de place et ça pue. Je te mets la puce à l'oreille, je nous vois acteurs et actrices d'un scénario rempli de patience et d'astuces. On court tous après la même chanson, le même refrain. Les jours s'écoulent comme une boucle sans fin. Des coups à portée, des coups reçus. Si la vie se résume à ça, j'ai déjà eu cet aperçu. Et je veux autre chose, je dois nourrir mes rêves. Un gouvernail contre une vie à la dérive. Ivre, ivre de sang, ivre, ivre d'amour. Juste libre, juste libre. Yeah. J'aime la bohème, mais cette garce me le rend bien. Je compte les phrases que d'un cœur plein qui ne sent rien. À part la même tristesse, on soigne ses cicatrices. Des fois c'est sexe contre sexe, le même stress, les mêmes gestes, sous l'écorce le même zeste. Donc mes excuses à toutes celles que j'offense. Putain que c'est faible de dire qu'au fond on se sent seul. Les jours s'effacent et deviennent transparents. 7 fois sur 7, 365 fois par an. On cherche le leitmotiv d'une fresque sans motif. Prendre un train en marche en rêvant de la locomotive. Un paradoxe de plus, une intox de plus. Merde, t'as qu'à chanter c'est un blues. Moi je veux quitter cette vie pour mieux y revenir. C'est comme quitter une fille pour mieux la retenir. On court tous après la même chanson, le même refrain. Les jours s'écoulent comme une boucle sans fin. Des coups à portée, des coups reçus. Si la vie se résume à ça, j'ai déjà eu cet aperçu. Et je veux autre chose, je dois nourrir mes rêves. Un gouvernail contre une vie à la dérive. Ivre, ivre de sang, ivre, ivre d'amour. Juste libre. On court tous, on court tous, on court tous. On court tous, on court tous, on court tous. On court tous, on court tous, on court tous. On court tous. On court tous après la même chanson, le même refrain. Des coups à porter, des coups reçus. Si la vie se résume à ça, frère. Moi je veux autre chose, juste autre chose. Livre de son, livre d'amour. Juste libre, juste libre, ouais ouais. Juste libre, juste libre. .7 RP Cultura está en el área, lo estamos escuchando. Era Fisto, es Fisto, un MC de la nueva escuela de París. La verdad que se están descubriendo y saliendo a la luz varios grupos con mucho groove. Ya saben, Francia está acostumbrado más a un ritmo un poco más hardcore, un poco más oscuro, de bajos bien gordos. y ahora están saliendo bandas como Hocus Pocus, Fisto y un par más, y la verdad que están muy buenos para escuchar. Los dos primeros temas eran Espíritus Libres y después el segundo es Innombrable, ¿no, Pacho? Sí, y sí, probamos igual como siempre, pero a veces sale, a veces no sale. Y también, bueno, recordar que Francia también, más allá de lo de las bases pesadas, me recuerdo Manau también, que eso sí era bastante sí, muy bueno. Suave y melódico, pero de una excelente calidad. Y vamos a escuchar dos temitas más, o sea, cuatro en realidad, ahora presentamos los próximos dos, que sería algo como An Oils Dan Le Retros. Y flashbacks, a ese más fácil. A ese fácil. It's very difficult, dijo el amigo Teve. Así que sigamos disfrutando el sábado de noche. Y bueno, RAP, 987. RAP Cultura, rap. Yeah, huh. Fisto. Un œil dans le rétro. Drum Brothers. Yeah. Un œil dans le rétro. Hey yo, j'suis ce type simple, un homme moderne qui n'a rien d'un apôtre. D'apparence humble pour les uns, arrogant pour les autres. Vôtre est là où tous cherchent un signe divin. Tout ce que j'ai croisé dans mes textes, en grattant bien, ce sont des écrivains. J'voulais me construire une cuirasse, mais c'est ridicule, j'réalise. Mes refuges se trouvent derrière un mic, une page blanche ou un livre. Et je livre ma vie ligne par ligne, rime par rime. Vite enivré par le spleen, s'te plaît, d'en rire. Ha. Car mon vécu déjoue les coups durs et les mauvais tours. Échoué dans le ressac entre l'écume des jours. Appelle-moi slammer, graffiti artiste ou MC. Comme un poème en sanskrit, c'est ma peine que je transcris dans un étrange cri, parfois violent, souvent mutique. Peut-être la seule vraie façon que j'ai de me rendre utile. Et si je pose ces mots, que ma conscience se libère de l'étau, j'avance apaisé avec un œil dans le rétro. Yo, ne vous méprenez pas. J'avance avec un œil dans le rétro. Garde un regard sur mes premiers pas. Ma conscience se libère de l'étau. Ne vous méprenez pas. J'avance avec un œil dans le rétro. Garde un regard sur mes premiers pas. Yo, j'ai la veine sombre, le cœur altruiste et le corps misanthrope. Un port dans chaque femme et pas mal d'enceintes que j'ai mis en clope. Tout ce qui me reste en stock, de la punchline et des figures de style qui vous laisseront sur le cul comme Christopher Reeves. Mes rêves ont poussé dans le désordre, je reste inconsolable comme un gosse. Tu sais comment sont les hommes, on porte nos cicatrices avec fierté comme les packs d'un pimp. Quand on parle de nos vies, la boucle zappe l'intime. Et voilà ce qui se passe entre nous quand on se retrouve à faire le monde juste avec le ventre mou. Regarde-nous, à la limite de foirer nos vies, tout ce que ça engendre, c'est qu'on vit chaque seconde comme une petite vengeance. Et je chante ces contours ponctués par la tente. Esprit en latence, j'avance, guidé par mes craintes. J'emprunte cette voie, mais le chemin n'est pas stable. Donc déchiffre mes lettres, car les mots ne sont qu'une façade. Yo, ne vous méprenez pas. J'avance avec un œil dans le rétro. Garde un regard sur mes premiers pas. Ma conscience se libère de l'étau. Ne vous méprenez pas. J'avance avec un œil dans le rétro. Garde un regard sur mes premiers pas. DJ Ato. Père Moine sur le beat. Fisto Mike. Garde un regard sur mes premiers pas. DJ Ato. Père Moine sur le beat. Fisto Mike. Garde un regard sur mes premiers pas. Pour ma conscience se libère de l'étau, frère. Fisto Mike. Fisto Mike. Drum Brothers. Fisto Mike. Du vrai. Yo, Fisto. DJ Ato. Un œil dans le rétro. Mixtape volume 1. Juste du vrai. Yo, check ça. One love. Yeah. Tourne les pages de ma vie, mec. Viens te tromper. Les enfers, le bilan. Qu'est-ce que tu laisses derrière toi? T'as de regrets, t'as de joie et de peur, mec. Tremper, je sais quoi. Un flashback, c'est quoi? À travers le soupirail de mes souvenirs, sourit. Mats qui a fait moi ce que je suis, il me tend un soupir. Refait en sens inverse, une route déjà balisée. Le souffle de ma mère sur ma joue, comme analysé. Bâtir une cuirasse sans que tes mains se salissent et qui s'effondre à chaque fois que les émotions la trahissent. Fais un bilan de vie à 30 piges, c'est étrange. C'est comme avoir sentiment de vouloir toucher la main des anges. Branche le mic, j'épanche le spleen quand le doute s'élève. Arrache des lombes de partitions sur la voûte céleste. Récris toutes ces lettres que papa n'a jamais postées. Et j'irai jusqu'au bout, voir jusqu'où ce boulet nous a lesté. Et c'est ainsi que les hommes vivent leur enfance et font leur mélancolie sur une colonne d'absence. Alors j'avance en tenant en paix avec mes fantômes quand le temps se fige. V'là ce que c'est que d'avoir 30 piges. Mec, ça, juste un bilan. Última entrada de RAP Cultura 98.7 FM Universidad UNAM Misiones, todos los sábados de 20 a 22, después del viejito del cinte y antes de Kingston Club, agitando la noche, agitando la grilla de la 98.7. Así que nos estamos yendo con más rap, con muy buena música, como siempre, ahora en este caso rap de Francia, de Fisto, y bueno, nos vamos anunciando también que vamos a tener fiesta el próximo sábado en con Neto en el Huracán y después el otro sábado también con Payé en Deja Vu. Así que a seguir disfrutando del rap. Hay rap aquí y hay rap para rato porque la cultura está creciendo. Así que a disfrutar el sábado. Nos vemos. Buenas noches. RAP, Rap es Cultura. Après ce que je suis, quand je nous vois grandir, je ne peux dire allez vas-y fonce. Réalise qu'on a toujours voulu et non pas influencé par ces esprits tordus. Et maintenant tu arrêtes de réfléchir, tu traces ta route. La vie nous ouvre les bras, viens t'applaudir sans un doute. De notre part sur la volonté de réussir là on nous attend pas. Et pense fort à l'enfant qui est en toi. Dis-moi, as-tu des nouvelles de l'enfant qui est en toi? Dis-moi, s'est-il perdu? Dis-moi, comment il va? Dis-moi, j'aimerais savoir à quoi ressemble le lendemain. Si les espoirs d'hier se sont égarés en chemin. Dis-moi que tes promesses sont restées les mêmes, que rien n'a changé malgré tes cruels dilemmes. Dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi, dis-moi. C'est ça, hein. Flashback, retour en arrière sur cette époque peace, le testament d'un gosse. Flashback, retour en arrière sur cette époque peace, le testament d'un gosse grandi dans les 80s. Flashback, retour en arrière sur cette époque. Flashback, retour en arrière. Flashback, retour en arrière sur cette retour en arrière sur cette retour en arrière. Flashback, retour en arrière sur cette époque peace, le testament d'un gosse grandi dans les 80s. Avec Jean-Yves et Seb qui testent sur Master System. Back les exomates devant Giga en fin d'après-m. Les parties de foot interminables et sport Billy. Le flip d'aller te coucher à cause du monstre caché sous ton lit. 20 ans plus tard tu te demandes la tête dans l'entonnoir. Pourquoi les journées s'étirent de nuit blanche en matin noir? La cafetière déborde de souvenirs sous cellophane. On ne s'évade pas de nos vies si l'on en croit nos cerveaux fades. Face à ce constat, l'enfance ne reste qu'une guimauve. Écorce vide qui cherche une zeste qui sauve. Je suis ce courant d'air qui traverse la serrure de tes souvenirs. Réapparaît derrière tes peurs ou tes éclats de rire. Et fœtus gamin, rêveur, la tête dans les nuages. Dispenser de fête des pères, de faire des cendriers en coquillage. Lâche-toi, vas-y mec, passe aux aveux. Je sais ce qui tient debout, c'est des bouts de rien du tout, comme le sourire de ton neveu. Les larmes aux yeux, tu dis que tu l'aimes et que tu veilles sur ses songes. Et lui te raconte le dernier épisode de Bob l'éponge. Plonge dans ce bain de jouvence, la vie est belle si t'en saisis l'essence. Chaque respiration depuis la naissance. Pense à moi, essaie d'écouter quelquefois. Quand l'enfant qui est en toi est là et tout parle à haute voix. Dis-moi, as-tu des nouvelles de l'enfant qui est en toi? Dis-moi, s'est-il perdu? Dis-moi, comment il va? Dis-moi, j'aimerais savoir à quoi ressemble le lendemain. Si les espoirs d'hier se sont égarés en chemin. Dis-moi, dis-moi que tes promesses sont restées les mêmes. Que rien n'a changé malgré tes cruels dilemmes. Dis-moi. L'heure de faire les comptes, mon grand. Est-ce que t'es prêt, frère, à peser le pour et le contre? Même si je te sens un cran, tu sais, faut bien passer par là. Tu me dois bien ça, j'ai le droit de savoir si le black Peter Pan est mort ou pas. Comprends-moi, t'as l'air plus tendu, plus froid, plus distant. N'aurais-tu pas troqué le fruit défendu malgré mes rappels insistants? T'avais pourtant juré de rester fidèle. Quoi que t'encaisses, quoi que tu puisses endurer, rester cet enfant éternel. Est-ce que t'as lâché le sport comme les autres? Est-ce que tu carbures fort dans la défonce comme les autres? Est-ce que t'es blasé, presque déjà usé, sur point d'accuser? Le coup est écrasé comme les autres. Dis-moi, est-ce que t'aimes ta vie ou est-ce que tu la regrettes? Est-ce que le thème de ta vie est toujours de rappel à street ou es-tu à la retraite? Est-ce que t'as aussi lâché après foot et tu n'esquettes pas le hip-hop, force pure? Street sous les dames sages, t'avais prévu les adultes et leur monde. Poussi tout ce qui me touche, entre ce qui s'inculent, qu'est-ce qu'ils font? Y'a des zones d'ombre, c'est louche petit, on veut leur ressembler car sont nos modèles. Plus on grandit, plus on veut se dissuader qu'on finira comme eux et on se rebelle. Car à part tuer leurs rêves et ces artifices, leur réalité apporte moins qu'elle n'enlève. Car nos cœurs sursis, ça l'en dit pas, tu les as laissés avoir le dernier mot vieux. Tu les as laissés prendre ton sourire et l'étincelle de tes yeux. Yo, c'est pour la province jusqu'en Suisse, mec. Yeah, full one, one love, F-E-S-T-O, mic. Just something that's on the microphone. Me without a mic is like a bee without a snare. Yeah. Yo, laisse-moi avant pousser hors des sentiers battus. J'ai la verve et l'ossature des sacs qui repartent. Sourire aux lèvres comme actu. Claquer du verbe et mes vertus à faire sonner mes vers. C'est divers, c'est du savoir-faire. Et chercher l'ouverture, j'perdure plus d'un pan. Quand le fond et la forme perdurent, mes restes positifs. Et s'il le faut, c'est clair, j'irai chercher ailleurs. J'avancerai vers vous avec l'amour comme ghostwriter. Testament, si cette culture est un puzzle, chacun de nous est un fragment. Je plaque mon feeling dans chaque track, c'est tout ce que je ramène. Et si le doute se pointe en route, alors je fais avec. Cette facette de mon âme est trouble, il faut que t'admettes que je fais sonner ce putain de mic comme si j'étais né avec. About to give it to you 24/7. I'm super duper with the rhymes of every. I got the metronome click inside my head. Just something that's on the microphone. Creating rhymes with correct technique. Me without a mic is like a bee without a snare. I'm a boy, it's yeah. A who got yeah. Left the world. Juste avant que la porte soit close, dans un dernier cause to cause, qu'un autre que moi vienne porter sa parole ou plaider sa cause. Qu'est-ce que je laisserai comme trace? Mon blase sur un mur comme autographe, ou un morceau que même tes potes gravent? Au pire des cas, une rime, une basse, une mélodie que tu ne peux vaincre ni zapper. Je suis mon propre pire ennemi. À chaque rime, je pose les jalons d'une discussion à bâton rompu dans ton salon. J'allonge des mots sur du papier, peut-être juste pour qu'ils prennent forme. Est-ce normal d'évoluer là où les autres n'ont pas pied? J'ai ma porte de sortie de ce long tunnel où la plupart nos rêves et illusions resteront funestes. Mes empreintes sur la feuille en guise de copyright. Just me, myself and my mic. Just something that's on my mind. About to give it to you 24/7. I'm super duper with the rhymes of events. Got the metronome click inside my head. Just something that's on the microphone. Creating rhymes with correct technique. Me without a mic is like a bee without a snare. I'm a boy, it's a who got left the world. See, you got a mic, it's automatic that I test one. Watch your eardrums pop. When I didn't have a mic, I rapped on headphones. Watch your eardrums you got pop. You got a mic, it's automatic that I test one. Watch your eardrums pop. Me without a mic is like the bee without a snare. I'm a boy, it's a who got left the world. Yes, sir. What the like?